Check 1 de face léger, mon passe à l'action, MTL connexion. Pas de protection, peste de Teflon, compare à personne. D'autre que celui qui performe, perfort en sternum. Mon mic est mortel comme un magnum. Son DJ met le vinyle sous l'aiguille et press play. Puis va chier si c'est trop vrai pour passer un de tes fonces. Il faut que tu saches qu'on te laissera plus de cicatrices que Pamela si tu laisses pas les hip-hop libres. Commandez-la, commandez-la. C'est pour ça que le MC devient la proie du braconnage industriel que devient la chasse au contrat. Nous on est contre ça, contre ça. Ça fait trois grosses baffes juste pour être sûr que tu donnes pas ça. M'étonne pas que deux MC sur trois soient des esclaves de label. La bouche grande ouverte under the table. Faut que tu comprennes que le biz domine le show. Et qu'il y a trop de rock dans l'eau qui veulent manger ton dos. Et je parle de celui-là. So garde un œil ouvert qu'on vienne à bout des géants de cette industrie. Comme Gulliver, car c'est notre univers à nous. Après tout, à peu près tout ce qu'on a. So check ça, nous on le protégera. Le Gémeaux, cherche pas à se prouver devant personne. C'est pour ça que je réponds plus aux haters, même s'ils me questionnent. Je leur laisse un choix de réponse. Quoi? Tu suces ma bite, bitch, tu quoi de tes wack. Des fois je me dis que la mort tu mets. Can you hang with me? VS, l'industrie essaie de boycott le cut, mais le slag survit. J'ai mon armée et l'art de l'armée. Dominique, débarqué dans ton quartier, mon crew, full de stickies. Tu montes rap et sur 12 pouces pour les triggers. Et si c'est toi que j'ai braqué, baby, wow. Who's the sickest? Je connais le B.I., je suis V.A., V.A. Celui qui se fia, n'importe qui, je te dis, s'il y a pas de gentil, ta V.A. Parti en requin, à moins que tu mors avant. Je suis underground dog et mon A&R m'attend. Dans le parc avant, on a start le ish. Maintenant, je sors liste des snitch opportunistes. Mais les libéchistes, oh, sinistre. Fais en sorte que les forces unissent pour que le board s'attend qu'il se forme sur bis. We all in this. Contre le rap town, qui veut te mettre down. J'ai le monde parce qu'il me pompe. Quand je vois ta jol bat, ma haine monte. Je serais encore intransigeant. Même à 36 ans, y'a rien de plus frustrant que ces gens. En franchissant, s'affranchissant, la morale se base sur le fric. À part ça, ils s'en foutent, tous prêts à descendre l'autre. Pour se monter, si c'est ça que ça coûte. Faut que dans le bon sens, ça se développe. Watch que tu drop, on reste un. On aime le cob, mais on aime pas le pop. Ça manque de sens. Être nu à l'aise, puis prendre les restes. Je veux faire ce que je veux, puis être pire en espèce. Faut que ça presse le monde stress. Je m'organise, je garde mes distances en ce moment même. Quand je touche le fond, je prends à monter en puissance. Visage défait. L'arme a séché, le mental a siégé, ça me fait assécher. Je suis je pas si aisé. Des moyens devant nous, ouais, si nous en parle tellement, c'est de l'art seulement. On a l'air seulement, non? Fais pas de l'art seulement, partiellement. Je dis rien après une critique, impartiellement. À tout ça, laisse-moi dire fort quand on parle fièrement. Et on parle fièrement. C'est rien, man, c'est rien, man. Si on dit un bif, on est demain sur mon collègue. Sinon, t'es temps, partin' off mon collègue. T'es temps, c'est pas avec colère. On date pas de la même école. J'suis le gars qui est différent, qui rappe. Jamais différent. Faut me différencier du gars qui différencie. Clairement, fuck les industries. Comme un éclair mène mes industries. J'fais un éclair, moi, où est-ce qu'elles industries. Jamais chuchote, j'suis brut, j'fais plein de bruit. Comme si j'venais de buter. La rage monte, ça fait débuter. Fuck that. Ici, ça pue comme un chandail. Des true lies. J'laisse sur ton chandail, des trous larges. Fuck off. Monte les contrats, t'es comptoir. Enlève ta gueule sur le comptoir. Ton avocat aussi. Y'a que des gars sales ici, mais connaissant. Avec le real shit, j'suis connaissant. Mais les beaux sont les connaissants. J'rappe comme Conan. J'rappe comme si c'était la dernière fois. Dans la rue ailleurs, j'ai une dernière fois, une dernière fois. Donc, j'peux pas me faire fuck, ni me faire cross, ni me faire buck, ni me faire shot, ni me faire speed, ni me faire jack. Mon gars, j'rappe sans rain, man. Pour l'acropole et neuf terrain, man. Le get ma reine, man. Si ou get beef, nous pareil, man. Nous pareil, man. Nous pareil, man. Nous pareil, man. Undefeatable. T'es juste undefeatable. Sans gun, oui, c'est tout. Plus unbelievable, comme une nun qui pisse debout. Shit, moi, ça rap, c'est comme un juge sans préjugés. Une prison, c'est black, la CIA, ça crack. Mais j'ai comme une rage against the machine. Des seringues, je fiends. This man, mid, the mess of the dream. Ayo, streets, no oxygen. Beef for no reason. Beef before system. Keep the streets, aborigin. Keep all the weekend. J'puff, puff, non-stop. Not drunk, punk, car, dog, fuck, tough, sound clock. Back in the days, j'avais rien que Jack, pas d'école, pas de cop, que des gangsters rap, pas de plein de cartes comme l'interact. Maintenant, j'peuve le rap pour le 5 et 4. Nowadays, I'm numb, docteur dramatique. L'homme qui puff le cannabis, un crot dramatique. Comme le Christ, you nice, c'est sécu. J'te salis de chaise comme faire un dog, il style une bitch, qu'on stupide, qui s'est pas épulsu.